Une moto et une paire de gants, je suis élégant, je me dégage, je suis pas le délégué, tu me connais qui, y'a personne qui me téléguide. J'ai pas compté les coups de pute, les coups de traite, les coups de mou, y'a pas de vaillant quand j'ai des coups de blues. Je deviens parano quand j'ai la caisse à Batman. Ton pote va se prendre une balayette et se regarde mal. On sourit tout le temps même si la ville n'est pas super belle. Génération la débrouille qui donne dans la ville en pare-balles. On retourne la ville quand je passe à Croix-de-Metz. T'as le rap sur le roi de l'évasion comme François Besse. Ça part en couille, 6 ans tous, un calibre de 24, c'est fini, veulent faire la part des abeilles. C'est comme looké, mais moi je suis pas célib. Elle veut de moi sur Snap, elle veut me rajouter. Dans l'audit avec ma jolie, des fois je zone, tu perruquais. Toi pourquoi tout ce que je te dis, tu le répètes comme un perroquet. Je vois pas pourquoi tu fais le rookie, ils ont inventé des pitons. J'ai la mentale comme un turc, je me mélange pas comme un gitan. Je suis trop brave, j'aurais pas dû leur faire confiance quand j'y pense. Manolo, regarde, ils s'envolent les pélicans. Avant y'avait pas Win, même pour l'Africa Twin. À dire que j'ai commencé en freestyle à l'arrière de la Twin. J'suis aimé, j'suis critiqué comme c'est R7. Viens Marseille, tu peux croiser l'OVNI dans un RS7. Ils peuvent me retourner le cerveau, je sens ton Marseille. J'ai découvert mon art seul, assassin presque qui m'harcèle. Artiste de la rue comme Carache, un peu maigrin au micro. Sous vodka tropico, j'me lâche pas au bigot. J'viens pour donner la force, ils me rendent fou au comico. À la maison, ils me pointent T-Max, un quad, un hélico. Moi j'aime quand toute la ville est fière de moi. Tu prends pour un skate, je vais t'en mettre une vers le froid. Les petits ils ont pas de sous et ils passent par le toit. Entre ils se montent tous la tête tard le soir. Moi j'aime quand toute la ville est fière de moi. Tu prends pour un skate, je vais t'en mettre une vers le froid. Les petits ils ont pas de sous et ils passent par le toit. Entre ils se montent tous la tête tard le soir. À ce que t'as ouvert à terre, on s'en bat les couilles. À ce que tu sors des R, hein, on s'en bat les couilles. À ce que ton grand frère signe les gens, on s'en bat les couilles. Forgé depuis petit, on s'en bat les couilles. À ce que t'as braqué des biches, on s'en bat les couilles. Fais le mili, on s'en bat les couilles. J'ai sorti les récits, on s'en bat les couilles. Forcé à la mort, nous, on s'en bat les couilles. Préfère une brune à trois Barbie, c'est pas trop ma cam. Changerai pas, même dans un Porsche Macan. J'ai coupé la mort dans des endroits macabres. Grandi au milieu des cris, j'aimais trop la bagarre. Rancunier comme Sully, du chêne c'est à Haggad. Ceux qui niquaient toi à l'époque, à cette heure-ci, tu peux les croiser et je traque à la gare. On n'aura pas la paix tant qu'on fait pas la guerre. C'est la Toulouse, rime ma gueule. Ça pète le million, ça s'habille encore en costa. T'as pris deux verres, elle a un gros boule à costa. Toute l'équipe est pétard, des personnes est costa. Me fais pas le gros, tu vas jamais y poster. J'aime trop ma zone, mais des fois elle meurt en claustro. T'es trop cramé, je peux pas passer en poster. Tu trahirais jamais, fidèle comme Castro. Aucun honneur sans aucune norme, you. J'sais même plus, j'ai dormi, you. Crapulerie dans le Porsche caillou. T'es un glissant, on a mouillé le maillot. Je n'irai pas sec, mental à lancer, je devrais micramer son en cassette. Avant que j'apprenne à marcher. Traque au fond du club avec des mecs recherchés. La vie nous a niqué, c'est pour ça qu'on fout l'anarchie. Si Pop me donnerait la force, je lui répondrais classique. J'ai cramé ton CV même sous ta paire de glacis. 6-6. Normal, je vais de la croix de Chavo. Eux sont des durs, des chevaux. Moi, ils me font un taureau sur le capot. Ça ralade à ma nuit dans le labo. Moi, j'aime quand toute la ville est fière de moi. Tu prends pour un skate, je vais t'en mettre une vers le froid. Les petits, ils ont pas de sous et ils passent par le toit. Entre ils se montent tous la tête tard le soir. Moi, j'aime quand toute la ville est fière de moi. Tu prends pour un skate, je vais t'en mettre une vers le froid. Les petits, ils ont pas de sous et ils passent par le toit. Entre ils se montent tous la tête tard le soir. À ce que t'as ouvert à terre, on s'en bat les couilles. À ce que tu tords des R, hein, on s'en bat les couilles. À ce que ton grand frère signe les gens, on s'en bat les couilles. Forgé depuis petit, on s'en bat les couilles. À ce que t'as braqué des biches, on s'en bat les couilles. À ce que t'as fait le mili, on s'en bat les couilles. J'ai sorti les récits, on s'en bat les couilles. Forgé à la mort, nous, on s'en bat les couilles. On a mouillé le mât.